Vous écoutez La Première, voici tout de suite Histoire vivante. Fin novembre 2018, les changements législatifs en Hongrie forcent l'Université d'Europe centrale à Budapest, fondée par George Soros, à déménager en Autriche. L'université a finalement préféré prendre les devants. Plutôt que d'attendre un hypothétique feu vert de la part du souverainiste Viktor Orban, après plus d'un an et demi d'une bataille juridique sans équivalent au sein de l'Union européenne, elle a annoncé en octobre 2018 le déménagement à Vienne de ses cursus internationaux à partir du 1er décembre. Histoire vivante s'est rendue à l'été 2018 dans cette université à Budapest. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Cette semaine, portrait d'un sociologue hongrois. Eh bien, je suis Viktor Karadi. Savoir et politique. J'ai fait ma carrière de chercheur en sociologie historique à Paris. Itinéraire d'une pensée. Voulez-vous bien vous présenter aux auditeurs de la radio-télévision suisse, s'il vous plaît ? Bonjour, je m'appelle Joël Le Pavou, je suis correspondant de Courrier International, du portail Slate.fr, du Télégramme et du Temps à Budapest, en Hongrie, et je travaille sur place depuis novembre 2013. Si mes informations sont justes, vous êtes de la Savoie, alors vous aviez un billet préférentiel Chambéry, Annecy, Budapest, vous aviez un amour immodéré pour le goulash. Quelles sont les raisons de votre présence dans cette lointaine Hongrie? Alors en l'occurrence, ma présence est le fruit de ma rencontre avec mon épouse à Bordeaux lorsque j'effectuais mes études de journalisme à l'Institut de journalisme Bordeaux-Aquitaine. Alors elle n'était pas du tout journaliste, elle était en Erasmus sur place le temps d'un semestre, et un semestre a suffi pour que nous tombions amoureux l'un de l'autre et que je la rejoigne en Hongrie une fois mon cursus terminé en juin 2013. Passer ces moments joyeux, vous êtes désormais en Hongrie, plongé dans une langue des plus complexes, des plus délicates. J'ai lu dans une partie de votre ouvrage que le plus long mot magyar contenait un certain nombre de lettres. Voulez-vous nous dire de combien de lettres il se compose ? Alors, il se compose de 67 lettres. Donc, je ne sais pas si vous souhaiteriez que je me livre à l'exercice de la prononciation en une seule fois, comme j'essaye de le faire pratiquement depuis que je suis arrivé. C'est difficile de résister. Est-ce que vous pouvez nous donner au moins un aperçu ? Vous avez le droit à plusieurs essais. Alors, écoutez, je vais essayer. C'est Megszentségtelenhíthetetlenségeskedéseitekért. Et c'est quoi ? C'est une injure ? C'est un mot doux ? Disons que je n'ai jamais vraiment réussi à trouver la signification de ce mot, mais ce qu'on peut en déduire, c'est comme il s'agit de Szentség ou de Szentesség, on peut en déduire qu'il s'agit d'un terme appartenant au vocabulaire religieux. La Hongrie ne cédera pas au chantage. La Hongrie défendra ses frontières, stoppera l'immigration illégale et défendra ses droits et si nécessaire contre vous également. Joël Le Pavou, je me suis adressé à vous car vous avez écrit effectivement dans Slate un article sur un sujet qui nous intéresse cette semaine et qui concerne la Hongrie de Viktor Orban, les relations extrêmement complexes qu'il entretient, ou peut-être d'ailleurs pas si complexes que ça, peut-être extrêmement binaires, qu'il entretient avec les intellectuels, un certain nombre d'ONG. Je me réfère à une déclaration de guerre dans votre article, au début de votre article. Budapest va utiliser tous les outils à sa disposition pour mettre dehors les pseudo-ONG de l'empire Soros, qui veulent imposer le capitalisme mondialisé et le politiquement correct sur les gouvernements nationaux. Fin de citation. Alors, qui prononce ces mots et qui vise-t-il ? Alors, l'auteur de ces termes qui sont extrêmement durs, justement, envers, d'une part, la société civile, mais aussi la personne de George Soros, s'appelle Szilárd Németh, qui était, à l'époque, en tout cas, l'un des vice-présidents, si ce n'est le vice-président du parti Fidesz, donc le parti de Viktor Orban, qui est au pouvoir en Hongrie depuis 2010. Ce qu'il faut savoir sur Szilárd Németh, en deux mots, c'est que c'est un ancien lutteur. qui justement a prolongé les joies, j'allais dire, de la lutte en politique et qui, en janvier 2017, donc au moment où justement cette guerre, si on peut appeler cela ainsi, avec les organisations liées ou financées par George Soros en Hongrie se déclenche, c'est Lard Németh qui parle de ce discours et c'est les premiers termes qui sont employés par Index, donc le site d'information de référence en Hongrie qui se réfère à cette, on va dire, oui, on peut véritablement parler de déclaration de guerre à l'époque, même si les relations entre les ONG et la personne de Viktor Orban ou même son gouvernement s'étaient déjà sensiblement dégradées depuis son retour au pouvoir en 2010. Dans quelle mesure il est possible de considérer néanmoins ces propos comme justifiés? En effet, est-ce que Soros, derrière ce qui est qualifié être son empire, entend imposer une idéologie? Alors, imposer une idéologie, ce serait exagéré de le formuler ainsi, mais en tout cas, George Soros est, comme beaucoup le savent, en tout cas en Hongrie, dans les cercles intellectuels d'origine hongroise. Il a fui la Hongrie au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, notamment à cause de ses origines juives. Il a voulu, en quelque sorte, essayer de permettre l'émergence d'une véritable société civile en Hongrie, y compris sous le communisme, ou ce qu'on appelait communément le socialisme du goulash, puisque la Hongrie était considérée comme l'un des pays les plus permissifs sous l'Union soviétique. Et donc, dès 1980, alors que justement le régime communiste tend à se modérer ou en tout cas à adopter les codes d'une économie de marché tolérée, l'Open Society, donc la fondation de George Soros, s'implante en Hongrie, implante son siège européen qu'elle a abandonné justement l'année dernière à cause des attaques répétées du gouvernement Orban envers la société civile et ses représentants, mais aussi tout simplement la personne de George Soros, visée par de nombreuses campagnes diffamatoires. Ce départ de l'université, nous sommes aujourd'hui en 2019, Joël Lepavou, s'est-il déroulé sous le regard indifférent ou alors compassé du Budapestois? On ne peut pas dire que les Budapestois ou même les Hongrois tout simplement n'ont pas entendu parler de cette affaire ou n'ont pas vu tout simplement George Soros placardé en 4x3 sur de nombreuses routes du pays. Mais quand il s'agit du départ de l'Open Society, bien sûr que cela a déclenché l'indignation non pas du Budapestois moyen, mais des cercles intellectuels, mais aussi des organisations liées d'une part à George Soros, mais aussi tout simplement attaché aux libertés fondamentales en Hongrie, qu'elles soient d'ailleurs financées ou pas par George Soros. Mais au-delà de ça, quand on regarde ou quand on s'interroge sur justement l'opinion des cercles proches du Fidesz, donc du parti de Viktor Orban, on a assisté à une sorte de, j'allais dire, de victoire, ou en tout cas c'était considéré comme une victoire, puisque George Soros était diabolisé de façon telle, et l'est toujours aujourd'hui, notamment sur les fameuses affiches qui ont déclenché une énième polémique avec Bruxelles, où George Soros était représenté aux côtés du président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. On s'est rendu compte, ou en tout cas le Fidesz et les militants du Fidesz considèrent justement ce départ comme la preuve que l'Open Society avait en tout cas quelque chose à se reprocher ou que finalement la loi sur les ONG, le financement à 25% des revenus ou des financements étrangers des ONG ont été la goutte de trop qui a poussé l'Open Society à partir, même si, je pense qu'on va en parler un petit peu plus tard, une partie de l'Université d'Europe centrale, elle-même fondée par George Soros justement en 1991 à Budapest, se maintient dans la capitale hongroise. Cependant, ces différends d'aujourd'hui ne font pas oublier un certain rapprochement d'hier. Orban et Soros se connaissaient. Orban semble avoir même bénéficié des soutiens financiers de la part de Soros. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous rappeler le passé de cette relation-là? Eh bien, écoutez, quand Viktor Orban effectue ses études de droit à Budapest, il fonde le Fidesz fin mars 1988, donc le parti qui est aujourd'hui au pouvoir en Hongrie, et Orban a été justement remarqué par George Soros, que Orban était un dissident anticommuniste à l'époque, qui se faisait connaître par sa verve justement contre le régime communiste. Et c'est un certain Miklós Vásárhelyi, donc l'ancien responsable presse des gouvernements du martyr de la révolution avortée de 1956, Imre Nagy, qui était le patron de la filiale de l'Open Society, qui recommande, ou en tout cas qui indique à George Soros qu'il serait intéressant de se pencher sur ce jeune Viktor Orban et sur ses acolytes qui entendent apporter un vent de fraîcheur dans la politique hongroise, qui à l'époque était, on le sait, régenté par le Parti unique, même si dans les premières années post-chute du régime communiste, on assiste à une effervescence de partis, une centaine voire 200 partis qui sont créés. Mais le Fidesz arrive à percer, fait des meetings justement dans des salles de théâtre, se pose comme un représentant justement de cette jeunesse, de cette alternative, on va dire, culturelle et cultivée au régime communiste. Et donc, à l'époque, George Soros décide d'offrir 4,7 millions de forint. Alors, en francs suisses, je ne saurais pas calculer, mais c'est l'équivalent de 643 000 euros aujourd'hui. Pour, d'une part, financer des photocopieuses pour pouvoir tracter auprès de la population, que ce soit à Budapest et en province, mais essentiellement à Budapest, mais aussi et surtout pour pouvoir permettre au Fidesz justement d'organiser des meetings et de répandre sa bonne parole auprès de la population. Mais comme vous le disiez, il y a eu un avant et un après entre Viktor Orban et George Soros, puisque les relations se sont sensiblement détériorées, y compris à partir des années 90, au milieu des années 90, lorsqu'Orban décide de basculer vers la droite de l'échiquier politique, même si lors de la catastrophe des Bouts Rouges d'Oika, qui a dévasté ce village et les villages environnants à proximité du Danube, à environ 150 km à l'ouest de Budapest, George Soros avait à l'époque, nous sommes en 2010 si mes souvenirs sont bons, avait à l'époque offert 1 million de dollars pour pouvoir justement aider à l'indemnisation des familles, mais aussi et surtout à la réparation des dégâts engendrés par la catastrophe. Le moment où la rupture peut être véritablement considérée comme consommée, c'est la crise des migrants. Donc en l'occurrence l'été 2015, et les premières affiches accusant justement George Soros, la personne de George Soros, d'encourager l'immigration illégale et d'être à l'origine de cette vague de migrants passant par la Hongrie pour transiter vers l'Allemagne, puisque c'était la route la plus directe à l'époque. Et là où ce destin est encore plus ironique, c'est que Orban était boursier des fondations Soros, de l'Open Society. C'est grâce à l'Open Society et grâce à George Soros lui-même qu'Orban a pu effectuer un semestre en sciences politiques à Oxford. Orban s'en revendiquait, d'ailleurs revendiquait le fait d'être un boursier justement de la fondation Soros comme un gage d'ouverture d'esprit sous la Hongrie communiste. Et puis Orban, en 2007, avait recouru au service de l'organisation hongroise des libertés civiles qu'on appelle TOS, qui elle-même justement bénéficie de financement de George Soros pour instruire en justice les brutalités des forces de l'ordre envers les émeutiers de l'automne 2006, puisqu'il y a eu une énorme vague d'émeutes en 2006 contre le gouvernement sociodémocrate de l'époque. Et puis il faut aussi rappeler, ce sera mon dernier mot là-dessus, que Orban, d'avril 1988 à septembre 1989, a travaillé pour un groupe d'études sur l'Europe centrale, financé justement par ce même George Soros, est reçu 10 000 forints par mois. Alors à l'époque, c'est une somme énorme. Aujourd'hui, c'est l'équivalent de 30 euros pour justement lancer sa machine politique et lui permettre de vivre décemment à Budapest. Joël Lopavou, est-ce qu'à l'approche des élections européennes à venir, le climat s'est quelque peu arrangé, adouci ou au contraire particulièrement durci. On sait la position plus que délicate qu'Orban a désormais au sein même de l'Europe et plus largement de son propre parti à l'intérieur de l'Europe. Tout à fait, puisque vous faites allusion au Parti populaire européen, donc la famille politique de centre-droit à laquelle Viktor Orban appartient depuis le tournant des années 2000. Il avait été invité à l'époque par Helmut Kohl, qui est un peu la figure tutélaire, donc l'ancien chancelier allemand et figure tutélaire du Parti populaire européen, à quitter l'Internationale libérale à laquelle appartenait le Fidesz pour rejoindre le PPE. Et le 20 mars dernier, lors d'une assemblée politique extraordinaire organisée à Bruxelles, le PPE a décidé de suspendre pour une durée indéterminée le Fidesz de Viktor Orban, d'une part des instances du parti, mais aussi et surtout des réunions organisées par le parti, après le tollé déclenché par la campagne justement visant d'une part Jean-Claude Juncker, donc le président de la Commission européenne, mais aussi George Soros lui-même, puisque nous en parlions à l'instant, avec un slogan assez équivoque disant que vous avez le droit de savoir ce que prépare Bruxelles. Donc sous-entendu, Bruxelles prévoit un plan en 7 points d'après le gouvernement, encourageant ou en tout cas destiné à lancer des vagues de migrants ou plusieurs millions de migrants sur la Hongrie et sur l'ensemble de l'Europe centrale afin de contribuer à ce grand remplacement, parce que c'est un terme qui est repris par Orban lui-même, au grand remplacement de la population hongroise blanche et chrétienne par une population métissée, noire ou arabe en Hongrie et dans le reste de l'Europe centrale. Ce qu'il faut aussi savoir par rapport à la relation avec le PPE, c'est que Manfred Weber, donc le président du groupe PPE à nos parlements européens et candidat justement à la présidence de la Commission européenne dans le cadre des élections qui auront lieu le 26 mai, s'est rendu lui-même à Budapest quelques jours avant la suspension pour essayer de convaincre Viktor Orban d'essayer d'adoucir son discours. On ne peut pas vraiment considérer que cela ait fonctionné, puisque lorsqu'on prête attention à la campagne européenne du Fidesz et aux tracts qui sont diffusés sur les stands Fidesz, on retrouve le slogan qui suit, qui en l'occurrence dit « Pour nous, c'est la Hongrie d'abord ». Et à Bruxelles aussi. Donc sous-entendu, les intérêts de la Hongrie priment sur ceux de Bruxelles qui voudraient imposer, je cite, un diktat en quelque sorte, ou imposer une manière de faire de la politique à la Hongrie et en Hongrie. La relation avec Bruxelles est une succession, et même avec le PPE, est une succession de crises provoquées par les déclarations de Viktor Orban, les diatribes en quelque sorte anti-Bruxelles prononcées par la Hongrie, et même malgré le vote du déclenchement de la procédure d'article 7, donc cet article qui permet à Bruxelles de priver un pays membre de l'Union européenne de son droit de vote au Parlement européen, qui a été le résultat justement de l'adoption du rapport de l'eurodéputée hollandaise Judith Sargentini, qui dénonçait l'oligarchisation du régime en Hongrie, mais aussi plutôt une situation de l'état de droit en Hongrie qui, selon elle, a empiré depuis le retour au pouvoir de Viktor Orban. Et bien, malgré ces procédures, malgré les nombreuses critiques de Bruxelles, on a toujours cette rhétorique de citadelle assiégée qui sert les intérêts du pouvoir, les intérêts du gouvernement Orban, qui peut se présenter en défenseur des Hongrois face aux méchants bruxellois. Joël Le Pavou, revenons d'un mot sur l'université Soros. Nous y avons passé une semaine en compagnie de Victor Caradi. Vous nous disiez que l'université reste encore à Budapest. Où en est-on de cette situation au moment où nous parlons ? Eh bien, au moment où nous parlons, il y a une double situation qui est d'une part le déménagement progressif des diplômes accrédités par les États-Unis, puisque c'est une université américaine de base, vers Vienne, qui accueille avec grand plaisir justement, on va dire, cette part réfugiée justement de l'Université d'Europe centrale. Et il y a une entité hongroise qui s'appelle la Közép Európai Egyetem, donc l'Université d'Europe centrale en français, qui maintient ses activités à Budapest, mais en ne délivrant que des diplômes accrédités par la Hongrie, donc ce qui exclurait, si la situation se prolongeait ainsi, tous les diplômes attenant par exemple aux sciences humaines, je pense à la sociologie, aux sciences politiques et autres, qui, alors je ne sais pas si l'enseignement de ces diplômes dérange véritablement le pouvoir, mais en tout cas l'Université d'Europe centrale, dirigée par Michael Ignatieff, un ancien politicien canadien libéral, justement ancien chef du Parti libéral au Canada, semble en tout cas troublé par les enseignements, ou en tout cas par sa permissivité ou la tolérance, justement, ces enseignements évoquant justement la défense de l'état de droit et des libertés fondamentales, qui ne dérange pas fondamentalement le pouvoir, mais en tout cas s'oppose aux idées propagées, martelées par l'intermédiaire de la télévision publique et des radios publiques par le gouvernement de Viktor Orban. Donc à l'heure où nous parlons, une partie de l'Université d'Europe centrale est toujours à Budapest, mais la situation évolue tellement régulièrement qu'on ne peut pas encore préjuger de l'avenir ou du maintien effectif de l'Université d'Europe centrale, ou en tout cas d'une partie de l'Université d'Europe centrale à Budapest. Très rare conversation que j'ai pu entretenir à Budapest, vu mon médiocre niveau en bagarre, m'ont laissé tout de même l'impression d'une capitale plutôt dans l'opposition, tout au moins relativement exaspérée par la forme du pouvoir exercé par Orban, et sans doute également sa personnalité. Mais c'était à l'été 2018, depuis les manifestations se sont multipliées, sans doute plus essentiellement dans la capitale qu'ailleurs. Où en est-on de cette relation-là et éventuellement de ce rapport de force, Joël Le Pavou ? Eh bien, si on prend l'aspect purement politique, on peut voir que les manifestations qui ont lieu notamment contre la loi dite esclavagiste, donc cette loi qui donne la possibilité aux entreprises d'imposer 400 heures supplémentaires à chacun de leurs employés, des heures supplémentaires payables dans les 3 ans, eh bien cette loi votée mi-décembre a justement déclenché une vague d'indignation et de manifestations dans les rues de Budapest, mais aussi, et c'est là que c'est assez rare pour être souligné, dans les grandes villes de province, que ce soit à Székesfehérvár, à Debrecen, à Szeged, à Győr et j'en passe. On remarque aussi que cette vague de manifestations a permis une certaine avancée, ou plutôt une recrédibilisation du mouvement syndical, un retour du mouvement syndical dans la parole publique, dans le débat public, puisque ce mouvement syndical était relativement absent de l'arène politique, mais aussi et simplement absent dans l'esprit de la population. Et on a vu que l'ensemble des syndicats a enregistré une hausse du nombre d'adhésions durant ce mouvement qui, certes, a périclité au fur et à mesure des semaines, mais qui a permis des avancées salariales majeures, puisque je pense notamment au cas de l'usine Audi qui est implantée à Győr, donc au nord-ouest de la Hongrie. Eh bien, les employés de l'usine Audi ont pu obtenir une augmentation de 18% de leur salaire brut, qui est l'une des plus importantes augmentations jamais enregistrées dans l'usine depuis son implantation en 1993, si mes souvenirs sont bons. Certaines grèves, justement, des grèves d'avertissement, comme on dit en hongrois, puisque c'est la législation qui impose une grève d'avertissement ou un genre de préavis, ou en tout cas une grève d'avertissement avant une véritable grève, continue dans certaines entreprises du pays. Récemment, les ouvriers de l'usine Hankook, donc une usine de pneumatiques, ont eux aussi obtenu 18% d'augmentation de leur salaire brut. Mais si on regarde le côté strictement politique de la chose, le Fidesz de Viktor Orban a perdu certes quelques points au plus fort du mouvement, donc en décembre, en janvier, mais a depuis repris les couleurs et affiche une cote de sympathie ou d'adhésion tutoyant les 50% et qui pourrait donner au Fidesz un résultat très proche de celui de 2014, donc autour d'entre 45 et 50% aux prochaines élections européennes. Et malgré tout, on a une opposition qui, certes, n'a pas forcément droit de citer dans les médias publics et dans les nombreux médias, j'allais dire, confisqués ou possédés par des proches de Viktor Orban, mais qui essaye, tant bien que mal, d'offrir une alternative pro-européenne, écologique, éventuellement solidaire, mais aussi et surtout libérale, puisque c'est libéral, on va dire, au sens anglo-saxon du terme, à l'illibéralisme de Viktor Orban, ou en tout cas à la démocratie chrétienne illibérale que Viktor Orban appelle de ses voeux. Entre l'immédiate après-guerre, Joël Le Pavou, et 1956, la Hongrie a connu des heures extrêmement sombres, extrêmement noires, un communisme particulièrement cruel. Y a-t-il le risque que la situation politique interne, intérieure, empire en Hongrie avec un durcissement à tous les étages ? Je ne sais pas si j'oserais faire la comparaison entre justement le gouvernement Orban et l'AVH, donc l'autorité de protection de l'État, qui était, j'allais dire, la police politique et la police secrète du régime de Mátyás Rákosi durant cette période allant de 1945 jusqu'à ce que je pense que cette AVH donc soit dissolue en 1956 durant l'insurrection antisoviétique de Budapest. Mais j'oserais plutôt faire un parallèle, j'allais dire, avec le régime de János Kádár, donc qui était le successeur de Mátyás Rákosi. János Kádár, beaucoup moins stalinien, sur une ligne certes évidemment pro-soviétique et extrêmement proche de Moscou, mais plus permissive, si je peux me permettre ce qualificatif, à l'égard des dissidents, notamment à partir des années 70-80, où on a assisté justement à une sorte d'émergence de cette résistance contre le gouvernement soviétique. Mais il y a beaucoup de facteurs qui m'invitent à faire cette comparaison. Quand on voit, par exemple, que 600 000 Hongrois ont quitté le territoire national depuis une dizaine d'années pour aller chercher fortune à l'Ouest, puisque les salaires en Hongrie, même s'ils ont été sensiblement améliorés depuis une dizaine d'années, restent extrêmement, en tout cas sensiblement inférieurs par rapport aux salaires occidentaux et encore plus par rapport aux salaires helvétiques. Quand on voit que le gouvernement Orban crée ex nihilo une fondation médiatique ou une fondation pour les médias réunissant 476 titres qui réunit donc ces 476 médias sous la coupe d'un proche de Viktor Orban et donc des médias qui propagent exactement le même message, tel une sorte de Pravda, j'allais dire, à l'échelle hongroise, ou quand on voit que l'opposition constamment décrédibilisée par le Fidesz est justement accusé d'être à la solde, que ce soit de George Soros ou d'intérêts étrangers, on se dit qu'on retrouve un vocabulaire, on retrouve des conditions qui ne rapprocheraient pas le régime de Viktor Orban d'un Rákosi, puisque nous ne sommes pas dans les voitures noires, les fameuses Pobeda, les Fekete Autók, qui venaient chercher les dissidents, qui étaient écoutés, espionnés dans leur vie privée. Mais en tout cas, on se rend compte en parlant avec les Hongrois que, par exemple, dans un lieu public, vous allez avoir certaines personnes qui, dès qu'elles vont prononcer le nom de Viktor Orban ou du Fidesz, vont adoucir leur voix de peur de peut-être de déclencher un débat ou en tout cas de gêner ou d'être considérés comme des opposants de l'intérieur, écoutés justement par une oreille mal intentionnée. Donc la Hongrie reste une démocratie, même si elle n'en a pas tous les atours. Elle est ce que moi j'appellerais, je reprends le qualificatif employé par le spécialiste de l'Europe centrale, Paul Gradvol, une sorte de démocrature, c'est-à-dire une démocratie avec des tendances rejoignant celle d'une dictature, mais nous n'avons pas de défilé militaire en Hongrie, nous n'avons pas d'expédition punitive contre les opposants, c'est juste qu'il y a une sorte d'asphyxie de l'opposition par l'argent et par les moyens employés, qu'ils soient d'ailleurs financiers ou politiques. Joël Lepavou, vous étiez depuis Budapest, merci pour cet entretien. On va vous retrouver sur le site d'Histoire Vivante parce que je vous ai demandé de nous lire quelques lignes de votre dictionnaire insolite de la Hongrie. Pourriez-vous d'abord nous en donner l'éditeur ? Alors le dictionnaire insolite de la Hongrie est paru le 15 mars dernier, jour de fête nationale en Hongrie d'ailleurs, aux éditions Cosmopol. À découvrir et à vous entendre sur le site d'Histoire Vivante. Merci encore à vous. Merci, au revoir.